Ah ben, il fait chaud au Portugal, hein. On est pas mal. 17h, salut la famille. After Job avec Francky l'après-midi. L'After Job avec Francky le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Eh ouais, on est là jusqu'à 19h, ça me fait plaisir et heureux de vous retrouver à 17h pile poil. J'ai vu les températures au Portugal, c'est plutôt pas mal. Et demain, sur la région d'Orléans, Olivet, Saint-Jean-de-Bray, eh bien, ça se maintient, hein, les températures de 17 à 30 degrés. Le ciel sera encore ensoleillé avec quelques petits nuages. Ça se dégrade un petit peu dans l'après-midi, mais bon, des ressentis jusqu'à 30 degrés dans 3 minutes 38 exactement, parce que je regarde mon écran à gauche. Sonia, qui sera notre invitée, la vice-présidente de Génie, elle sera notre invitée, elle va nous parler justement du Génie. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Vous défendez qui? Vous faites quoi? Eh bien, on aura toutes les réponses, et si vous voulez justement poser des questions, le 02 38 43 48, vous êtes ouvert. Maloma qui arrive, ça c'est le son Caliente, et puis on accueille dans 3 minutes 38, j'ai dit, hein, c'est Sonia, elle est là, elle est prête, elle est en place, elle est en train de bronzer sous le soleil d'arc-en-ciel. L'After Job avec Francky le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Arc-en-Ciel, c'est du soleil toute la journée. Pour joindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00. Ouais, c'est ça, c'est le numéro du standard, 02 38 43 48 00. Un peu de soleil, Felicet Maluma, et puis Sonia, qui est notre invitée, dans moins de 3 minutes. Hacemos tu rato, y lo hacemos. Allez, on s'est 17h05, ça fait du bien, du soleil avec Maluma Baby. Le titre qui vous a fait danser certainement tout l'été. Elle est dans les studios, c'est notre invitée, elle arrive, c'est Sonia Alves en direct. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. C'est maintenant et pas demain, tout de suite à 17h06 et 02 secondes. Comment je suis pressé, on dirait un mec qui fait la météo sur TF1. J'accueille Sonia Alves. Ça te fait marrer, Sonia, t'as vu? Elle est charmante, elle est là dans les studios avec. Elle est venue avec le petit chien, la petite saucisse, elle est marrant. Hein, ouais. Comment il s'appelle le chien, Sonia? Bonjour. Alors mon chien s'appelle Jules. Jules, ouais, c'est marrant. C'est quoi ton chien, ça? C'est tout petit, c'est mignon. C'est un teckel arlequin que je viens d'adopter. Il est mignon en tout cas, il est sympathique. C'est le truc que tu mets en bas des portes quand il y a du vent qui passe, non? C'est pas ça, c'est les saucisses. Détends-toi, ça va bien se passer. Voilà, c'est ça. Sonia Alves, donc vice-président du génie Val-de-Loire. Heureux de te recevoir en direct sur Radio Arc-en-Ciel. En plus, t'es un peu chez toi parce que t'es portugaise, donc bienvenue dans la famille alors. Alors, on va parler du génie. Alors, qu'est-ce que le génie? On peut expliquer un petit peu, Sonia, pour les auditeurs qui sont en train de nous écouter du côté d'Orléans, Saint-Jean-de-Bray-Olivet, etc. C'est quoi le GNI? Voilà. C'est un groupe national indépendant qui s'occupe des cafés, hôtels, restaurants, discothèques et événementiels. D'accord. Donc, en fait, on les aide, c'est ça? Pour aider les restaurateurs, les bars, tous ceux qui ont des soucis ou pas, ou c'est un peu le rôle du génie. Des conseils, ouais. Les dernières infos avec le Covid-19, voilà. Ouais, qui n'est pas facile en ce moment à gérer. Hein. Alors, exactement. Ça fait combien de temps que tu es au GNI, toi? Ça a été fait au mois d'août. Ouais. Et nous allons l'inaugurer au mois de novembre. Voilà, en tout cas, une belle avenir pour le génie Val-de-Loire, parce qu'il n'y en avait pas, je crois. Centre Val-de-Loire, non, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas du tout. Alors, pourquoi avoir intégré aujourd'hui le génie? C'est quoi l'idée? D'où te vient l'idée, déjà? Pourquoi? Parce qu'avant j'étais à Lumi, donc ça se passait bien. Lumi, c'est un concurrent, c'est ça, non? Oui, c'est un concurrent. Mmh. Et puis j'ai préféré partir puisque j'avais des positions qui étaient différentes. Mmh. Donc et comme j'aime mes adhérents, et ben j'ai préféré monter le GNI. Monter et être plus haut gradé, parce que c'était quoi ton enfin, j'ai dit un grade, je sais pas si on dit des grades, c'était quoi ta fonction à Lumi? C'était aussi vice-présidente ou... J'étais vice-présidente de Bar Brasserie, et là où j'ai ni pour l'instant, je suis encore vice-présidente Bar Brasserie pour devenir par la suite présidente. Ah ouais, toi tu vises haut carrément. Hein? Ah bah. Alors, est-ce qu'avec le Covid, justement, les conditions d'ouverture des bars, restaurants, hôtels, malheureusement pas les discothèques, est-ce que ça se passe en général bien ou pas? Est-ce que tu as des retours, toi, perso, sur le fonctionnement de cet ensemble? Alors, le fonctionnement, c'est très compliqué puisque la clientèle joue le jeu, joue pas le jeu. Nous, on fait très attention avec notre personnel, bien sûr. Après, nos touristes, c'est pas très évident puisque... Il y en a eu des touristes cet été? On en a eu jusqu'à mi-août et d'un seul coup, les Anglais sont partis. Ouais. Ça a été notre grosse clientèle. Et puis là, actuellement, on attend qu'ils reviennent, hein, bien sûr. Mais on a eu une bonne clientèle touriste française qui était pas mal non plus. Hein. Ouais. Voilà. Est-ce que ça a du mal à repartir ou est-ce que ça repart tranquillement, doucement? C'est une pente montante ou alors on arrive à se maintenir aujourd'hui? On a du mal. Par rapport alors, on travaille beaucoup le week-end surtout. Ouais. Mais la semaine, faut reconnaître que c'est très calme. C'est plus calme qu'avant. Ouais. C'est ce qu'on me disait. C'est très calme. Monsieur qui a un resto du côté de Saran, ouais, il me disait que c'était plus calme le midi surtout. Ouais. Mais les gens sont encore en télétravail, donc pour nous c'est compliqué. Ah ouais, c'est ça. Le télétravail, ça fait que les gens vont moins au resto, quoi. Voilà, ils sont chez eux, donc ils viennent plus chez nous. Ouais. Quel est le mot qui revient le plus souvent avec tes clients quand on dit au restaurant, quand ils viennent s'installer à table? Est-ce que ça les dérange, le masque, le protocole que vous avez mis en place, notamment pour les restaurants, je parle aujourd'hui? Ça les dérange ou alors non, ça va? Non, parce qu'on leur explique et puis ils le savent. Donc, des fois, on a des gens qui veulent pas, mais quand ils veulent pas, je ne peux pas les accueillir. Ouais. J'ai du personnel, je suis responsable, non. Ouais. Donc, voilà, mais c'est très rare, c'est très très rare. C'est très rare? Ouais. Les protocoles qui sont mis en place, on va parler des restaurants, hein, ou c'est quel style de protocoles qui sont mis en place? Les tables une sur deux, je sais pas. Tables, il faut qu'elles soient distanciées d'un mètre. Ouais. Moi, à l'intérieur de mon restaurant, je peux plus mettre que 15 personnes. Ah ouais, t'avais combien de personnes dans le resto à peu près? 32 personnes. 32. Et là, on divise par deux, un mètre de distance. Donc on va faire des services plus longs qui vont démarrer plus tôt. Et puis point de vue hygiène, on l'a toujours fait, hein, l'hygiène. Ouais, heureusement d'ailleurs. Bah oui, parce que quand on lui dit faut bien nettoyer les tables, machin, bah oui, on les a toujours nettoyés. Hein. C'est vrai, il faut arrêter d'être un peu idiot, parce que à la base, un restaurant, je vois pas un restaurant qui nettoie pas les tables. Voilà. Donc ça, c'est la base de chez nous. Donc après, le personnel, ils ont leur masque, ils ont leur gants, leur gel à disposition. Et puis, quand il y a la distance, je pense pas qu'il y ait des risques. Hein. Non, voilà, je pense pas non plus. Maintenant, faut faire attention surtout, c'est ça. Mais l'hygiène dans les restaurants, les hôtels, ils l'ont toujours fait. Donc voilà, à un moment, faut arrêter de nous taper sur les doigts et c'est ça. Et nous dire que faut faire ci ou faut. On le sait ce qu'il faut faire. Ouais. Comme tu dis, tu passes de 32 couverts à 15 couverts. Bah sur le chiffre d'affaires, est-ce que ça se ressent ou les gens consomment plus ou moins ou ils font attention. Différemment, ils consomment différemment. Le chiffre d'affaires, ça a été impacté un petit peu quand même. Et puis on attendait des aides de l'État, mais bon, c'est. Ouais. On en est où aujourd'hui sur les aides c'est de l'État? C'est que des paroles. C'est que des paroles. Ouais. Vous avez rien eu ou vous avez eu quoi? Le chômage partiel? Oui, on a eu le chômage partiel. Certes, c'est super. Hein. On a eu le chômage. On est en France, on a été un des pays. C'est vrai qu'on est bien équipé entre guillemets. Voilà. Entre guillemets, hein. on peut pas trop critiquer non plus. On peut critiquer certaines choses. Voilà. Mais là-dessus, moi, je suis honnête. Moi, j'ai eu le chômage partiel hein, avec la boîte. Donc on peut pas. On a été payé. On a eu l'aide, nous, 1500 balles. Je sais pas les restaurants. Comment que ça se passe? Vous avez une aide aussi? Oui, oui, on a eu les 1500 euros, pareil. Ouais. Donc, depuis qu'on a ouvert, on les a pu, bien sûr, ce qui est normal. Mais est-ce que vous avez le chômage partiel toujours ou est-ce qu'ils font pas Pour certains, oui. Un complément par rapport. Parce que, il faut dire une chose, quand on réouvre le resto, on sait pas à quoi s'attendre. Ben on non. sait pas où on va. Donc, c'est facile de réouvrir et de dire, le chiffre, ça se trouve, il sera pas là. Ouais, mais surtout qu'il y en a qui ont réouvert et qui font pas leur chiffre d'affaires. Donc, arrivé à un moment, ils vont fermer. Faut pas rêver. C'est triste, hein. D'ici la fin de l'année, beaucoup vont fermer. Mais il n'aurait pas fallu justement aider ces gens-là pendant quelques mois. Mais on a demandé. On a alors, demandé. Non, c'est resté c'est que des paroles. Il n'y a rien eu pour l'instant. Non. On ne vous donne pas une aide en non, plus. Non, on devait avoir une aide pour nos loyers, ça n'a pas été fait. Ouais. Voilà, quoi. C'est... À pas nous dire prendre un PGE, mais oui, mais c'est un crédit, quoi. Là, le PGE, le plan. C'est un crédit. C'est un crédit, en fait. Beaucoup ont déjà un crédit, plus un crédit, plus des salaires, plus des retards. Mais ils s'endettent. Moi, j'ai connu des gens qui n'avaient rien, qui n'avaient pas de prêt, qui n'avaient pas de crédit. Puis ils se sont retrouvés un peu dans la news et puis maintenant ils se retrouvent avec un prêt hein. Ils ont rien demandé Donc c'est compliqué. Après tout dépend certain âge, il y en a qui préfèrent fermer parce que arrivé à un certain âge on va pas s'endetter à vie quoi. Moi je suis encore jeune donc ça toi, va. Toi t'es jeune ouais, t'as quoi, t'as 22 ans toi à peu près hein. Alors moi je suis un peu triste, j'ai eu quelques amis aussi qui ont ouvert un bar ou un restaurant avant le Covid, t'imagines 2-3 mois avant, t'ouvres ton bar et ton resto, la pas loose, de PGE. La loose, pas de PGE, pas de prêt, rien, ils ont rien du tout. Bah oui, pas de trésor. C'est le pire, pas de trésor, en plus il fallait un an pour faire un bilan, etc. Pour le PGE, pour plein de choses, et là c'est la news, la galère. Comment tu vois l'avenir aujourd'hui toi dans la restauration, les bars, hôtels, on va pas parler des discothèques parce que c'est un peu à part aussi, sont toujours fermés, mais sur les bars, restaurants, l'hôtellerie, comment on voit l'avenir aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un avenir réel au loin? Est-ce qu'on peut se focaliser sur quelque chose? Mais je pense qu'il faut le faire aussi pour se motiver. Faut dire une chose, c'est pas facile, attention, parce que beaucoup de gens disent courage, on est avec vous. Ouais, ok, on est avec vous, on est à côté. Moi aussi, hein, je peux dire salut, je suis avec toi pour deux secondes sur Facebook, mais courage. Bon, c'est gentil, faut dire autre chose. Mais c'est pas facile parce que tous les jours, faut gérer les papiers, faut gérer la trésorerie, il faut se dire mais est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va pouvoir payer le loyer? Est-ce que je peux payer mon personnel? Est-ce que tu vois, parce que la marchandise faut l'acheter, hein, ouais. C'est compliqué. Est-ce que sur le long terme, toi, tu vois de l'avenir, toi, dans la restauration, hôtellerie, bar? Moi, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, voilà, c'est ça. Tant qu'on est debout, hein. Voilà. Faut se battre aussi. Faut se battre, mais on est quand même. L'État n'a pas tout fait, mais bon, par rapport à d'autres pays, on n'est pas à plein. Ouais, il y en a qui sont au secours. Hein. Ouais. Ma fille, elle est aux États-Unis, ça se passe pas du tout comme ça. Ouais, quoi. Les États-Unis, c'est à part. Hein. Déjà, voilà, ils ont pas de trucs maladie, eux, là. Ils ont des assurances, hein, donc là, par rapport à ça, c'est déjà galère. Alors après, je sais pas comment ça se passe là-haut, c'est un peu compliqué. Avec le c'est Trump, très compliqué. Hein. Trump, c'est un ouf, le mec. Hein. Il avait dit une fois, il faut boire de la Javel pour que ça aille mieux. On va le laisser tranquille, le beau, il va faire un procès si tôt. Alors, la suite du génie, ça donne quoi? Il y a quoi de prévu sur la région? L'inauguration sera faite au mois de novembre. Ouais. Et puis, donc vous invitez quoi? Les hôtels, restaurants, les bars, etc. Alors là, on va faire une réunion avec toutes les institutions du Centre Val-de-Loire. Mmh. Après, on fera une autre inauguration puisque on peut pas recevoir plus de 50 personnes, donc c'est compliqué. Ah ouais c'est vrai. Donc évidemment que si on invite par contre on peut faire des soirées à 200-300 hein, j'ai vu à Orléans hein, j'ai vu sur un toit là il y a pas longtemps là rassemblement pour danser à 300 personnes, moi je l'ai vu hein, je l'ai vu sur la rep hein, oui et puis je passe le mot hein, je vais appeler En pleine Amérique, quoi. Voilà. Après, moi, j'habite pas au Puy du Fou, donc je peux pas faire la zénith, hein. Toi, tu pourrais faire, j'ai vu un concert de Vianney au Puy du Fou. Voilà. Mais en fait, c'est un zénith, les mecs de l'événementiel, ils gueulent, hein. Bah, ce qui est normal. C'est où la loi, elle est pour tout le monde pareil, ou alors faut arrêter. Voilà. À un moment, les discothèques sont fermées, et on fait du n'importe quoi à côté, mais alors, voilà, c'est pas crédible. Le génie, c'est une association, Sonia. Oui. Oui. Alors, pour être adhérent, on fait comment? On peut apporter quoi? Une cotisation? À l'année. Et puis, tous les trimestres. Comme nous, à la radio, on est une assoce, hein. On a plein d'adhérents, d'ailleurs. Voilà. Ceux qui veulent venir nous rejoindre, ils sont les bienvenus. On a, des sponsors. Ouais. On a des aides de l'État. Mmh. Et tous les trimestres, on fera, un courrier à tous nos adhérents pour dire ce qu'on a fait et ce qu'on va faire. Mmh. L'état des comptes seront officiels. Les adhérents auront tous les mois ce qu'il y a sur les comptes. Comme ça. C'est bien ça. Oui. On sait qui dépense quoi. Hein. Voilà, c'est l'argent des adhérents, c'est pas le mien, c'est. Mmh. Et qu'ils sachent ce qu'on fait avec. Est-ce que c'est facile aujourd'hui d'avoir des adhérents dans une association? On a vu en plus notamment Orléans, hein, je prends le cas, hein, que le truc des associations a été annulé. Je trouve ça dommage, hein, parce qu'il y a plein de trucs qu'on. On va épiloguer, parce que là il y a un dossier, j'en ai pour jusqu'à midi, hein, enfin minuit, hein, le dossier, il est énorme. Est-ce que il y a eu c'est un abus pour toi, ça a été annulé ce. C'est un peu dommage parce que pour les enfants. C'est un peu dommage parce que les enfants qui veulent rentrer dans des associations de sport, tout ça, ils ont pas pu voir. Ouais. C'est ça qui m'a un petit peu chagriné. Ouais, c'est ça, Voilà. Donc c'est pareil, toutes les associations sportives, elles doivent être un petit peu à la traîne puisque, il y en a beaucoup qui se sont pas inscrits, qui connaissent pas, et puis il y a des associations qui sont magnifiques, quoi. Ça m'a un petit peu peiné, quoi, qu'on annule. Ouais, c'est vrai. Il y a des belles associations qui méritent qu'on les aide. Et puis aujourd'hui. Et qu'on les connaisse. Se faire connaître, c'est important pour une association. Parce il faut continuer à aider les associations. Ouais. Bien sûr. Un dernier mot, peut-être, pour se quitter, parce que je sais que t'as un resto, tu vas l'ouvrir, là. Un resto, ça offre pas à 3 heures, les gars, à 6 heures, faites en cuisine, hein. Il faut la saucisse à cuire. Je rigole, bien sûr, je te taquine. Un dernier mot, peut-être, à rajouter, Sonia Alves, la vice-présidente. Moi, je dirais à tous les Orléanais, toutes les Orléanaises, de faire bien attention, de garder les distances, les masques. Mmh. Plus vite le Covid s'éteint, plus vite on pourra revivre. Ah ouais, faut qu'il se barre, hein, c'est vraiment de la merde. Faut prendre sur soi et gardons encore de la prudence pour des jours meilleurs pour nos enfants, etc. Voilà, bravo. Et puis un dernier mot, je voulais juste dire que le GNI sera devant la préfecture avec nous le 30 septembre. Exact. Voilà, pour manifester pour les discothèques, pour le monde de la nuit, pour demander l'ouverture. On demande l'ouverture rapide parce que on voit des choses de ouf se passer dans certains établissements. Je tape pas sur les bars, les restos, etc. Pour taper sur la tête des gens. Au contraire, il faut que tout le monde travaille. C'est juste sur l'État français. Il faut qu'ils prennent leurs bonnes décisions quand je vois ce qui se passe, des vidéos, des mecs qui font des trucs privés, des machins. Franchement, on est à bout, on est saturé les boîtes et on veut montrer notre colère dans toute la France. Et donc on sera à Orléans avec le génie devant la préfecture le 30 septembre. Si vous voulez nous rejoindre, eh bien on sera à 11h du matin, pas du soir, hein, parce que le préfet il est parti à 11h du soir. Moi je vais le pécho le préfet, je vais lui dire, je vais y aller dans le bureau là-haut. Je sais que je suis surveillé, j'ai envie de dire des choses, je l'ai dit clairement. Merci ma petite Sonia Alves, vice-présidente du GNI. Ça nous a fait vraiment plaisir de te recevoir à la radio. Voilà. À bientôt. Et bon appétit. Allez, et puis bonne saucisse avec le chien. Bon. T'es vilain. Allez, bisous. Salut la famille. Ciao. En direct, Radio Arc-en-Ciel avec Bisson qui arrive. L'After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. arc-en-ciel. Quelle belle journée. Il fait chaud dans les studios. C'est vrai que côté invité, ils ont pas de bol. La clim est en panne. Moi, je suis bien alors. On est heureux d'être avec vous. 17h23 minutes. Dans moins de 7 minutes, il est mon invité, Martial Desbordes, observateur au FC Nantes. Oh là là, mais c'est quoi? Eh ben, la réponse dans moins de 5 minutes. Juste avant, un peu de soleil et un peu de Noël. Ça fait du bien, Noël. C'est beau. Avec Maria Carré, All I Want for Christmas sur l'arc-en-ciel. All I want for Christmas is you. J'attends le Père Noël. Ouais, vive mon Noël, hein, que vous m'achetiez des cadeaux parce que ça va être la dèche cette année, je pense, les cadeaux de Noël. La météo qui arrive et puis notre invité dans les studios de la radio, on l'accueille. La météo. Juste avant la météo, eh bien, des bonnes nouvelles pour demain. Le ciel est dégagé avec du soleil en matinée. Par contre, ça se gâte un petit peu l'après-midi. Pas mal de nuages. Mais le soleil sera bien présent. Les températures au lever du jour, 17 degrés. Et on dépassera les 30 degrés. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis, deuxième bonne nouvelle, bah, l'invité, il est là. Eh ouais. Ça va vite en radio. Hein. Radio Arc-en-Ciel. L'invité du jour, c'est maintenant. Eh, j'appuie sur tous les boutons. J'ai des boutons, j'en avais plein quand j'étais jeune sur la tête. Et bah là, c'est la même chose. On l'accueille, Martial Desbordes. Bonjour, Martial Desbordes. Bonjour, Francky. Comment il va bien? Ah, super. Alors Martial, je suis content de te retrouver à la radio. Pourquoi? Pour deux choses. Alors la première, c'est que quand on s'est revus il y a quelques années, on a joué au foot ensemble à la SPTT, à Ardon, c'est ça? Ardon, c'est ça. Et après, bon, ça nous rejette. On avait des cheveux à l'époque. Ouais. Voilà, c'est ça qui est. Beaucoup de cheveux. Ah ouais, j'avais Jackson 5, on m'appelait, moi. Toi aussi d'ailleurs, tu te souviens. Ouais, hein. On avait pas mal de cheveux. Bon. Ouais. Avec le temps. Voilà, on est beau. On dit que c'est les plus beaux, les mecs, sans cheveux. C'est ce qu'on dit. On va être dans ce sens-là, en tous les cas. C'est vrai que ça m'a fait plaisir de te retrouver après toutes ces années où on a joué au football ensemble. C'est réciproque. À la SPTT, Orléans, c'était Ardon, et on a connu des grandes personnes là-haut. Hein. Ouais, c'est vrai. Et des bons souvenirs. En tout cas, aujourd'hui, Marcel Desbordes, alors je vais dire un mot, peut-être que vous allez peut-être pas comprendre, ou si, faut pas être bête non plus, observateur au FC Nantes. Alors, c'est quoi? Tu regardes quoi? Tu regardes la télé? Non. Non, en fait, le statut exact, c'est... On parle de football, hein, messieurs, dames. Observateur recruteur. Donc, en fait, l'idée, c'est d'observer les potentiels joueurs qui sont capables d'intégrer notre club au niveau du centre de formation derrière. Comment que ça se passe alors, justement, observateur? Tu vas à Nantes ou tu es dans les alentours? Tu te balades toute la France? Donc moi j'ai un rayon qui est la région centre-centre-ouest. Mm-hmm. Donc je vais d'Orléans à Limoges en passant par Poitiers, Châtellerault. Ouais. Alors ça c'est un peu moins vrai maintenant parce qu'on a réparti les secteurs. Mais disons que l'axe réel c'est Orléans, Châtellerault, Limoges, Brive. Alors explique-nous un petit peu, observateur, t'arrives, tu vas, il y a un match de foot qui se passe à Orléans, un truc, tu rentres, tu te présentes ou pas? Non, tu vas comme ça incognito. Alors, vaut mieux l'incognito. C'est mieux de découvrir les joueurs, parce que s'ils sont au courant, peut-être qu'ils vont faire plus de, je sais pas, j'ai des conneries, en faire plus ou moins. Après, on en fait toujours plus, quand on veut intégrer un grand club. L'idée, c'est d'être le plus discret possible. Ouais. Tu viens pas avec le t-shirt FC Nantes, observateur. Non, ça, je le fais jamais. Déjà, c'est pas dans la personnalité de le faire. Ouais. Je trouve pas non plus que ça soit super, de montrer qu'on appartient à un club. On est tous très fiers d'appartenir au club et notamment au FC Nantes. Mais l'idée, c'est d'être le plus discret possible. Par contre, on passe par les clubs. En règle générale, les coachs savent qu'on vient voir les joueurs. On travaille beaucoup avec les coachs pour avoir des informations sur les joueurs et les familles. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, ça dépasse le cadre du football. Bien sûr, hein. Tu cadres aussi le niveau familial, c'est ça que tu veux dire en fait? Alors, il y a pas que le sur le terrain, il y a ce qui se passe autour. Le niveau familial et surtout le niveau scolaire. Aujourd'hui, on essaye d'avoir même les notes avant d'aller plus loin, de savoir si le jeune, alors pas forcément d'avoir des très très bonnes notes, mais avoir un bon comportement. Ouais, un bon comportement. Ça c'est un peu la base du recrutement aujourd'hui. Ouais. T'as recruté des grands joueurs? Il y a des grands joueurs partout. Est-ce que le jour où tu t'es dit, lui, pourquoi pas, et puis aujourd'hui, est-ce qu'il a réussi à percer? Je pense qu'à partir du moment où tu as des joueurs qui sont internationaux, des joueurs qui font la Ligue des Champions, des joueurs qui sont en Ligue 1, c'est que ton travail il a plutôt été correct. Ouais, un grand travail en tous les cas. Un gros travail. Alors tu te mets quoi? Tu t'arrives, tu te mets au bord de terrain, tu mets dans les loges Je me mets dans les. En ce moment, bord de terrain, le masque. Ah oui, le masque obligatoire. C'est pratique. Ouais. C'est pratique parce que du coup on nous reconnaît un peu moins, parce que les jeunes au bout d'un moment te reconnaissent forcément. Bien sûr. Avec le temps, après on dit tiens, il est là l'observateur, regarde, on met le paquet. Là en plus avec l'opération à cœur à maillot, ça a été encore avec Thomas Renaud. Avec Thomas. Je salue au passage, il sera notre invité bientôt là. Donc je pense que tu auras un bon invité alors. Ah, c'est un super mec. Non, en plus c'est vrai que depuis cette opération, forcément les jeunes. On t'a vu. Ouais. T'as beaucoup vu. On a beaucoup vu. On nous a beaucoup vu. Mon Thomas avait plus l'habitude que moi. Moi, c'est quelque chose en plus que je cours pas forcément après ça. Ouais, t'es pas autant trop médiatisé, toi. Hein. Non, j'aime pas trop. J'aime pas trop. Je te remercie pour l'invitation. Ouais, nous, tu te rajoutes un peu en marre, t'as vu. Et c'est très bien comme ça. Moi, ça me va bien. Après, je l'ai fait de bon cœur pour l'opération, mais c'est pas forcément ce que je recherche. Non. Toi, t'as pas envie de te mettre en avant sur de la com. Non, j'ai pas envie. Et puis, j'aime bien ma petite vie comme elle est. Ouais. J'aime bien être. T'as pas envie d'être médiatisé après qu'on pas plus que ça. Et c'est vrai que ça me manque pas. Mais la discrétion, c'est bien aussi dans la vie professionnelle, surtout par rapport à ce que tu fais. C'est important. Disons que c'est un trait de caractère. Moi, je sais que je cours pas après ça. Ouais. Quand je suis invité, je le fais de mon cœur. Bien sûr. D'autant plus quand je connais la personne. Ouais, c'est vrai. Comme c'est le cas aujourd'hui. Mais de moi-même, j'ai pas à dire, est-ce que je peux venir à telle ou telle émission? C'est pas forcément, moi, mon besoin. Bien sûr. Est-ce que t'as des clubs qui t'ont contacté en disant, il faut que tu viennes aujourd'hui, faut que tu viennes nous voir? Acheter entre guillemets, c'est un peu d'achat. Viens voir, moi j'ai un super joueur, faut que tu viennes le voir. T'as le bonjour de Cyril Guénaud qui m'envoie bisous à vous deux, je vous écoute, super mec, Martial, et toi aussi Francky, évidemment. Voilà, c'est gentil, message qui est arrivé sur Messenger. C'est sympa, c'est un petit moment qu'on s'est pas vu, mais c'est toujours quelqu'un que je suis plaisir de voir. Il a démarré la radio ici, il a fait le 4-4-2. Mais c'est vrai que on parlait justement d'émissions avec des gens en confiance, que ce soit toi, Cyril, j'arrive, je connais les gens, c'est un peu différent. On se marre bien. Moi, je suis plus dans le sport, dans le foot. Hein. J'étais, quand on était jeunes, on était ensemble, mais je suis plus du tout au football. Hein. J'ai un peu laissé tomber, malheureusement, ou heureusement, je sais pas. Mais ça m'a attiré plus trop. Quand j'étais gamin, j'étais un fou. J'allais au foot tous les jours. Je jouais derrière chez moi à la source. J'allais à la SPTT à pied. Je me rappelle toute ma vie. Et c'était vraiment un grand moment de ma vie. Et non, c'est des moments de vie qui ont été sympas. Moi, je me souviens, on faisait des déplacements en bus. Je sais pas si SPTT, les petits bus, on était 8 dedans. Et dessus, en gros, c'était marqué ASPTT. Hein. Voilà, puis il y a un déplacement j'ai plus en mémoire, c'est le déplacement vers Ouzouer-sur-Loire, à côté de la centrale. Et donc, pour revenir à ça, c'est vrai que c'est une question de personnalité. Moi, je te dis, franchement, autant je suis content de vous voir, autant les médias. Ouais. Voilà, c'est bien. Plus, ouais. Quand tu vois, quand c'est Patrick Pommier, c'est pareil, je connais bien. Donc, France Bleu, t'as 8 ans quand même. France Bleu, j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller. Je sais qu'un jour c'est possible que ça se fasse. Mais c'est aspects, après, ça forcément, sera de leur démarche. Si tu veux, aujourd'hui, forcément, c'est pas pour que parler de toi, mais c'est pour parler de ce job. Hein, aussi, de faire montrer qu'il y a des gens derrière qui bossent pour faire de recrutement sur les jeunes. En fait, pour répondre à ta question de tout à l'heure, effectivement, il y a des gens qui nous téléphonent pour nous dire, on pense qu'on a un joueur. Et ça, déjà, dans la démarche, c'est plutôt sympa. C'est que les gens pensent à toi. C'est que, a priori, c'est que tu fais aussi ton métier correctement. C'est ça. Parce que c'est un métier. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est un métier. Tu fais pas que de balader. Hein. Non, on fait pas que de balader. Il y en a qui doivent dire, ils se baladent, ils sont sur les terrains, ils regardent, comme ça, ils repartent. Ils prennent une frite, ils prennent un coca. Ouais, une petite merguez aussi. Une merguez aussi, ouais. Non, mais c'est plutôt la collaboration, c'est du partenariat. C'est plutôt sympa. Ouais, c'est ça. Après, des fois, il y a des. Ce qui est un peu moins sympa, c'est quand tu as un agent qui veut te survendre un joueur. Ouais, c'est je te parle. C'est chiant ça, les agents, non? C'est comme les chanteurs dans l'événementiel, tu sais, ils veulent te vendre un mec, un chanteur, tiens, prends-le. Alors toi, dans ta tête, tu dis, j'ai pas envie, mais voilà. Alors c'est chiant quand l'agent est pas bon. Heureusement, il y a des agents qui sont plutôt bons. Il y a des lourds, est-ce qu'il y a des lourds dans les agents? Ouais, forcément, il y a des lourds, mais encore une fois, il y a des lourds, il y a des gens bien. C'est comme dans la vie de tous les jours, si tu veux, t'es obligé de faire le tri. Le tri se fait assez naturellement, il se fait plutôt vite. Et puis si tu veux les lourds, il y a un moment tu les connais. Donc quand tu t'appelles, tu vois son numéro, tu dis oh là là, il va me présenter. C'est-à-dire que maintenant c'est super parce que les téléphones tu peux bloquer le numéro. Ouais, c'est ça. Donc les lourds sont bloqués. Je vous le dis tout de suite, Marcel a bloqué les lourds. Voilà, les lourds sont bloqués. Mais encore une fois, il y a plus d'agents bien aussi que d'agents pas bien. Après, il y a les agents, les vrais agents. Ouais. Il y a les agents. Sérieux. Il y a des agents qui n'ont pas la carte, mais qui sont des bons agents aussi. Mmh. Il faut le dire aussi, parce que j'ai un exemple en tête. Là, il y a un agent avec qui moi je discute beaucoup, qui n'est pas agent agréé. Donc normalement, on n'a pas. Voilà. Mais par contre, ce gars-là est très proche de ses joueurs. D'accord. Et moi, sa démarche, je la trouve plutôt saine. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai plaisir à échanger. A contrario, il y a aussi des agents qui ont la licence et qui ça se passe bien, et d'autres qui ont une licence. Ça se passe moins bien. Et ça se passe pas moins bien parce que si tu veux, ils veulent te faire un package. Ouais, donc c'est si tu es intéressé par un joueur, il faut en prendre trois. Ouais, c'est du marchand de tapis là un peu là. Hein. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu et ça. Pour certains, c'est un peu ça. La suite, ça se passe comment? Alors, toi, t'as repéré un joueur, on va dire, on prend le cas sur Orléans, hein, parce qu'on est à Orléans aujourd'hui. Ouais. Tu repères le joueur, après ça se passe, tu prends contact avec le joueur, avec le club, comment que ça se passe? Alors, la démarche, t'as vu un truc qui t'a dit lui il a quelque chose, il a quelque alors, chose. Je peux te donner un exemple parce que je l'ai fait ce week-end avec un joueur du Centre-Ouest. Donc en fait je rentre. Entre le moment où je rentre, j'ai eu l'occasion de filmer une ou deux actions du joueur. On a un WhatsApp nous interne au club. J'envoie à Mathieu Bideau qui est le responsable du recrutement. J'envoie donc la vidéo. En parallèle, dès que je suis quand je suis encore au stade, je contacte l'entraîneur, je lui fais part de notre choix de suivre ce joueur-là. On contacte pas le joueur, on passe par l'entraîneur du club. Et donc entre-temps, entre le moment où je rentre et le moment où on a plusieurs contacts avec Mathieu, je lui décris rapidement un petit peu le joueur et quand je rentre chez moi, je commence à faire des papiers avec une fiche qui permet de rentrer pas mal de renseignements. D'accord. Les points forts, les points faibles, ce que j'ai vu, pourquoi je souhaite qu'on voit ce joueur. Voilà, c'est ça. Alors en fait après voilà c'est des petits points de choses. Nous on juge pas le joueur à l'âge qu'il a, on essaie de le projeter à 20 ans. Bien sûr. Ouais. Donc il peut y avoir un décalage entre quelqu'un qui voit le bon joueur aujourd'hui. Ouais. Nous notre métier c'est de voir le bon joueur demain. Comme tu dis, on prévient le club. Est-ce que le club lui prévient le joueur ou pas? On lui dit attention, t'as été repéré. On va prévenir le joueur via le club. Donc on va faire un courrier au club. en disant bah, voilà le joueur qu'on a identifié. On souhaite éventuellement l'inviter à Nantes pour faire un stage ou faire un tournoi ou voilà. Ouais, pour voir un petit peu de plus près. Voilà, un petit peu plus près parce qu'en fait d'une région à l'autre. Parce que sur un match, ça veut rien dire. Sur un match, ça peut être un. Entre guillemets, ça peut être un bon jour pour lui. Hein. Ouais. C'est ce qui est important à savoir, c'est que le joueur sur lequel on fait une fiche, il est au moins supervisé 3 à 4 fois. D'accord. Donc on s'arrête pas une fois, parce qu'effectivement tu peux très bien passer aussi à côté. Hein. C'est-à-dire que le jour, tu peux toujours là. Ça t'arrive des grosses erreurs, de dire bah lui je le sens, puis en fait non, rien du tout. Hein. Non, ce qui m'est arrivé comme Pire qui t'est arrivé, ouais. La plus grosse erreur, c'est de forcer un recrutement. Ah ouais, d'accord, carrément. Où le jeune ne voulait pas venir. Ouais. Finalement, les parents voulaient absolument aussi qu'il vienne. Nous, on était persuadés qu'il fallait faire venir. Et finalement, le joueur, pendant les 3 saisons qu'il était chez nous, tous les jours, il répétait « je veux partir, je veux partir ». Au bout d'un moment, ça nous a un petit peu fatigués. Le moment où on lui a dit « écoute, ok, tu veux pas, on n'insiste pas ouais. ». Ce jour-là, il a dit « bon, j'ai fait l'erreur de ma vie ». Ah ouais. Mais ça, c'est compliqué parce que ça reste des jeunes et il y a beaucoup d'humains là-dedans, donc, ouais. Donc c'est compliqué. Ça me fait penser à une histoire parce qu'on se connaît. Tu te rappelles de la famille Bison? Je crois qu'il a ouais. Il jouait avec nous à la SPTT. Il était parti à Auxerre, si je me rappelle bien. Et puis en fait, il était revenu parce que ça allait pas. Je crois, il me semble que c'est ça en gros. Hein, c'était Christophe Bison. Je salue, c'est un ami à moi. Hein, ouais. De mémoire, c'était un joueur qui était en avance morphologique. Ah ouais, carrément. Il faisait 1m90. Ouais. Il courait comme un lapin. Je le remets, mais. Mais je sais qu'il était parti à Auxerre et qu'il était revenu assez rapidement. Ouais, rapidement. Parce qu'au PTT, il cassait tout. Hein, dès qu'il jouait dans l'équipe première, il était junior, je crois, à l'époque, ou je sais plus quoi. Et il mettait 3-4 buts par match, quoi, à chaque fois. Hein. Ça aurait été un joueur que tu aurais pu repérer, ça. Hein oui et non. C'est-à-dire que, si je me rappelle bien de la morphologie, c'était un joueur qui était vraiment très en avance. Ah ouais, carrément. Et donc, l'idée, c'est de savoir est-ce que l'avance qu'il a aujourd'hui, c'est son point fort, ou est-ce qu'il va continuer à le développer, et surtout, est-ce qu'on peut l'amener à 20 ans à maturité? D'accord. Ou est-ce qu'il est déjà à maturité à 15 ou 16 ans, ou 17 ans, comme on peut le voir sur certains joueurs? Ouais. Il y a eu des pistons sur certains joueurs. Toi, t'as fait des pistons, t'as demandé, soudoyé un peu, dis bon, allez, vas-y, s'il te plaît, Martial. Non, jamais. T'es un ami, t'es un pote. Justement, moi, T'aurais pu le faire, j'ai pas envie parce que. Faut pas forcer les choses. Ben non, parce qu'en fait, on c'est derrière, la triche. Oui, et puis derrière, c'est quelque part, c'est pas rendre service aux jeunes surtout. Hein. Souvent, ça pourrait venir des parents. Quel est l'intérêt de faire ça? C'est vrai, aucun intérêt. Il y a aucun intérêt. Tu vas faire perdre du temps à un jeune. Tu vas mettre en difficulté ton club. Pour moi, c'est pas une bonne opération ni pour l'un ni pour l'autre, quoi. Et à un moment donné, on est quand même. Enfin, il faut être objectif. On est payé pour une mission. C'est ça. Ouais. On essaie de le faire proprement. Et ça, moi, je rentrerai pas là-dedans. D'accord. Non, je rentrerai pas là-dedans. Alors, si tu vois, il y a une demande, qui m'a été faite comme ça, qui était. Un joueur connu. Il est connu. Non, qui est pas connu parce qu'il était pas bon. Donc. D'accord. Il était pas bon. Donc, par contre, il était passé par un de mes amis proches en disant, écoute, pourrais faire. Ouais. Bon, j'avais expliqué à mon ami proche, écoute, moi, je marche pas dans ce truc-là. Je pense que c'est maladroit de le faire. Et puis, ça s'est arrêté là. Ouais. Ton meilleur souvenir, ta meilleure observation, j'ai envie de dire ça comme ça, je sais pas si ça serait quoi? Qui? Un joueur que t'as vraiment bien lancé, qu'aujourd'hui, t'es fier? T'en as? J'en ai plusieurs parce que bien sûr, ouais. C'est tous des grandes aventures humaines, avant tout. Ouais. Zidane, Zidane, aujourd'hui, moi, j'ai pas eu la chance de le recruter. J'ai recruté des bons joueurs, mais pas Zidane. Ouais. Mais j'ai eu plein de belles aventures humaines. Et encore aujourd'hui. Un joueur, t'as un nom qui vient sous la. Un petit nom. Un grand nom pour moi, c'est Mohamed Larbi. Ah ouais, d'accord, ouais, carrément. Ouais. Ah, bravo. Alors, on peut me dire la carrière, etc. Alors, si on voulait s'enflammer sur les carrières, on pourrait dire Adrien Trebel, qui est aujourd'hui Anderlecht, qui est le joueur en Belgique top, qui a fait avec des champions. C'est vrai. Mais c'est que des bons gars. Je pourrais te dire Quentin Brad, je pourrais te dire aujourd'hui Thomas Basila, qui est au FC Nantes. Mais c'est que des bons souvenirs. Et un joueur que moi j'aime beaucoup, que pas grand monde connaît, c'est Ravid Sukadosi, qui joue en Suède. Ah d'accord. Et pour moi vraiment c'est que des bons mecs. C'est que des belles aventures humaines et sportives. D'accord. L'avenir pour toi, c'est quoi? C'est continuer toujours, t'as toujours la motivation, mais malgré le Covid, tout ouais, ça. Ouais, non, mais le moi, sport il a changé un petit peu en général, hein, il n'y a pas que le foot. Hein. Bah la vie a changé. Ouais, Elle évoluera. Oui, forcément, elle évoluera. Mais il faut faire avec, malheureusement. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est ça, ouais. On n'a pas le choix, mais bon, je pense que Moi, je suis assez optimiste pour l'avenir. Mmh. Je suis quelqu'un qui est dans ma vie de tous les jours qui est assez optimiste. Puis l'avantage, si tu veux, moi, c'est que j'ai pas forcément besoin de grand chose. Donc moi, ma vie d'aujourd'hui me convient très bien. Le club dans lequel je travaille me convient très bien. Ouais. Donc si je peux encore continuer comme ça 20 ans, ça sera parfait. Et ben voilà, parfait. En tout cas, on te remercie d'avoir accepté notre invitation sur Radio Arc-en-Ciel. Marcel Desbordes, observateur, on dit ça, observateur FC Nantes. Ouais, observateur. Et moi, je suis fier de te rejoindre. Enfin, une belle photo quand même. Attends, on est Radio Arc-en-Ciel, on est fier, on est une petite radio locale, mais on se marre bien. Ça fait 34 ans qu'on est là. Enfin, pas moi, mais 34 ans que la radio existe. Avant, j'étais sur une autre radio. Mais ça me fait plaisir de recevoir des grandes personnes à la radio. On en a reçu plein. Hein. Ouais. Pour moi, t'es une grande personne, même si t'as un côté humble. Mais moi, voilà, je trouve ça classe de recruter des grands joueurs, d'aller chercher des talents, des nouveaux talents aux jeunes. Bah écoute, moi, ce qui me fait plaisir, c'est la relation qu'on a tous aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire qu'on se prend pas forcément pour d'autres. C'est clair. Et puis, on va essayer de faire une carrière comme ça. Moi, personnellement, je voulais te remercier. Ouais, je voulais aussi te souhaiter bonne chance pour la boîte. Ouais, bah, merci. Comme tu sais, moi, je suis pas. T'es pas un danseur du samedi soir. Non, je pense que celui qui dit qu'il me voit en discothèque. Bah, j'ai croisé Marcel en boîte. Oh, c'est bizarre. Ça. Ou en bar. Ouais. Il s'est trompé de personne. C'est pas ton trip, quoi. Mais par contre, personnellement, moi, je te souhaite d'avoir un dénouement qui soit favorable. Bah, on continue, hein. Tu vois, tu disais, toi, tu vois l'avenir, moi, je le vois aussi, hein. Faut continuer, hein. Si on lâche maintenant, c'est mort, hein. Ouais. Faut pas lâcher, au contraire. Et moi, je pense qu'à partir du moment où t'es motivé, je sais que t'es motivé. Ouais. Ah ouais, moi, je suis à fond. Et que tu lâcheras pas, je lâche pas, c'est les caractéristiques, depuis. Moi, je lâcherai quand les huissiers viendront, hein. Sinon, je lâche pas avant. Ouais, j'espère qu'ils iront par avant, alors. Martial Desbordes. Par contre, s'ils viennent pas chez moi non plus, c'est bien. Ouais, bah voilà. C'est à l'écran pont. Voilà, c'est à l'écran pont, c'est bien. Sympa. En tout cas, merci de ta bonne humeur. Ça fait plaisir, Martial Desbordes. Et merci pour ton invitation. Et puis, retrouver le live, là. Il y a notre petit gars qui fait tous les montages, là. Il va te mettre ça en ligne. Tu auras ton interview. Ça va te faire plaisir. Tu vas pouvoir t'écouter ce soir à la maison. Non, mais oui. Salut, Martial. Merci, salut.

crois quand je dis n'importe quoi, dormir avec toi, même si je suis fou, même si je crie que je t'aime comme un enfant blême. N'ouvre pas, sauve-toi, oublie-moi, couvre-toi, pense à toi. Slow préféré, Marc Lavoine avec Même si on adore la radio. Ça me fait plaisir de vous retrouver franchement en mode chaleur demain, hein, jusqu'à 31 degrés. Ouais, plutôt pas mal. Allez, la reprise de Flashdance, Irène Cara en 84. Ouais, là c'est Son of the Jazz qui ont repris ça il y a 3 ans déjà. Son of the Legend, plutôt What a Feeling, Flashdance. Forcément, ça vous rappelle des très bons moments. Ou des mauvais, ça dépend. 17h54 minutes en version Flashdance, c'est sur Radio Arc-en-Ciel. Avec Flashdance, Son of Legend. Merci à mon petit amigo qui nous fait tous les montages sons que vous pouvez réécouter sur ma page Francky Radio du son qui arrive. After Job avec Francky l'après-midi. L'After Job avec Francky le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Et ouais, c'est la fréquence qu'il vous faut si vous rentrez du boulot là, fatigué, crevé, éreinté. Et bien voici du soleil avec Matt Houston et positif. Jolie.

I love you, ich liebe dich, te quiero, mi amor. On adore, Grand Corps Malade sur Radio Arc-en-Ciel, on vous aime, bah oui, toute la journée avec du soleil qui arrive. 17h03, c'est vrai que ma mère m'a toujours dit, fais un métier sérieux, c'est bien que la radio, avec DJ. Bah non, on fait des métiers sérieux. Bah, c'est un bon souvenir avec Kevin, Kinvey, c'est un métier sérieux, c'est sur Radio Arc-en-Ciel. 18h03, et la semaine prochaine, ne ratez pas nos invités. Thomas Renaud sera là lundi dans les studios de la radio. Eh ouais, Thomas Renaud, l'ex-gardien de l'USO. Et maintenant, à la tête de cette belle ville d'Orléans. Il est élu. Il sera là. Et puis, le lendemain, Sabine Guillien. Et la présidente des Panthères. Ouais, elle sera aussi notre invitée. Ça va faire plaisir de la retrouver. Voici qu'il met. Et le métier. C'est mon anniversaire et je suis ma 30e bougie. Je demande que ma mère va encore m'inventer ce souci. Car l'année dernière, elle m'a posé quelques soucis. Elle se lève, porte un verre, elle s'adresse à moi et me dit: maintenant que tu es centenaire, faudrait penser à ta carrière. Je préférerais que tu sois fonctionnaire. Au moins là, je saurais que je n'aurais plus de soucis à faire. Il est temps que tu te trouves une femme et que tu me fasses des petits-enfants. Que tu fasses un peu plus d'état d'homme, mais ça arrête de vivre à mille et pas. J'adore ce titre, j'adore ce mec aussi, un personnage que j'ai fait beaucoup de fois en interview, Kevin Kinvey. Un métier sérieux. Merci à Ludo qui nous a un petit message sympa. Heureusement que t'es là, toi, aujourd'hui. Ça change le moral. Bah ouais, ça nous change le moral. C'est bien, c'est bon pour le moral. C'est pas encore la compagnie club, mais bientôt. On a une pensée pour tous les clubs, bien sûr, qui sont fermés en ce moment. Et on est de tout cœur avec eux. Et on vous rappelle le rassemblement devant la préfecture. C'est le 30 septembre pour le monde de la nuit. Venez filer un coup de main à tout DJ, au patron de boîte, voilà, tout l'événementiel. Le 30 septembre devant la préfecture. On vous donne le rencard avec Radio Arc-en-Ciel. On sera là en direct. Ça donne envie de danser hein, ouais, avec Ludo qui nous écoute sur l'appli Radio Box. Salut mon Ludo, le grutier Ludo hein, qui exerce le métier de grutier si je me trompe pas. Un super mec qu'on adore, qui est venu à la radio d'ailleurs et qu'on espère revoir bientôt d'ailleurs. Ah ouais, du son qui arrive avec le meilleur des souvenirs à Deva. Je sais pas si vous vous rappelez de site I Thank You, c'était énorme en club hein, dès qu'on pouvait danser à l'époque. Et bon, on se précipitait sur la piste pour aller danser sur le dance floor avec du bon son. Ça c'était vraiment Bob Sinclair hein, que j'avais fait en interview à l'époque il y a 12-13 ans hein. Super mec Bob, j'avais fait en club d'ailleurs. Salut Fred aussi qui est connecté du côté de Saint-Jean-de-Bray. Salut Francky, merci pour du Bob Sinclair, ça fait plaisir. Et puis ça fait plaisir aussi du vrai son à l'ancienne, Adeva, I Thank You. Et ça on adore sur la console, la version club, la version maxi comme le joue beaucoup de radios en ce moment. Et on adore. 18h10, demain jusqu'à 31 degrés, c'est la bonne nouvelle. Toi Ludo qui va te percher là-haut au bout de ta grue, peut-être que tu vas bronzer un peu plus vite. Et c'est pour Gaël qui nous écoute aussi et qui me dit c'est mignon mon chou, oh c'est mignon. On vous aime sur la radio. C'est Adeva, I Thank You. sur la fête, hein. Ça c'est la version à l'époque, hein, qu'on jouait dans les discothèques, les versions longues, comme on disait, on pouvait danser pendant 7-8 minutes sur le tube qu'on adorait, hein. Laetitia qui nous dit merci Francky, tu nous rends nos 20 ans encore ce soir à la radio, bisous Covid, ouais, plein de bisous à des 20, hein, thank you, c'est en 1989, ça va, ouais, ça va vous rabaisser, hein, vous vieillir, ouais, peut-être, quoi. Avec un remix que j'adore aussi, qu'on a fait d'ailleurs, qui est plutôt sympa, Marvin Gaye, rappelez-vous aussi de la sensualité, de la douceur, vous qui sortez du boulot, vous êtes fatigué, et bien voilà, un peu de douceur dans ce monde de brut en ce moment, plein de tendresse. Qu'il vous faut si vous sortez du job là. Coucou à Mathieu du côté de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Merci Francky pour du son comme ça à l'ancienne. Bah, hey, du son à l'ancienne, j'en ai plein. Vous rappelez des Womack, El Womack, Jewel Waps? Et bien, eux, dans les années 90, ils ont repris ce tube en version française. C'est les Tribal Jam avec Remember Me. Est-ce que tu te rappelles? Do you remember? Radio Arc-en-Ciel, 96 de 18h18. Next time I'll be Comme si c'était hier, la version French de Remind Me des Tribal Jam. On accueille Monsieur Faria au téléphone. C'est parti. L'After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FR. Il est au bord de la piscine ou pas, Monsieur Faria? Comment il va? Ça va, ça va, mon petit, pas encore, mais ça va pas tarder. Ah ouais, bah je t'entends bien, moi, t'inquiète pas. Tu vas bien? Il sort du boulot, là, peut-être? Non, j'ai bien arrivé de Lille. Ah, t'arrives de Lille? Oh, tu voyages, toi, monsieur Faria. Ah oui, c'est le boulot. Ah, c'est ça, le bâtiment. T'es dans le bâtiment, toi, hein? Voilà. Et voilà. C'est ça que c'est bon, hein. Et là, retour sur Orléans, tu vas au bord de la piscine, tu m'as dit, normalement. Voilà. C'est... Et en quart d'heure, je te passe bien, je suis dans la piscine. Eh ben voilà. Eh ben, profite de cette piscine parce qu'il a fait chaud aujourd'hui, l'eau va être bonne. Elle va être bonne, nous. De toute façon, elle est chauffée, déjà. Ah, elle est déjà chauffée, ah ouais, d'accord. Bah, moi, j'irai dans... Après, la question, si vous passez, y'a pas de souci, hein. Ouais, je passerai un jour, promis, je passerai. Là, je vais aller dans mon bain, moi. Tout, hein. Ouais, je vais aller dans ma baignoire, moi, c'est pas mal aussi, hein. c'est pas pareil. C'est pas pareil, mais c'est sûr. Bah, merci de ton appel, monsieur Faria, hein. Ok, mon petit. À bientôt. Bisous. Allez. Ciao. Bisous. Et bonne piscine, hein. Merci. Vous aussi pouvez nous appeler si vous êtes au bord de la piscine. Bah ouais, avec le meilleur des souvenirs sur l'arc-en-ciel, 18h21, Kelly Clarkson. Because on you, parce que c'est vous, parce que c'est toi, on vous aime. Because of you, chalet. Non, bref, pas maintenant. 18h24 minutes. Kelly Clarkson, le meilleur des souvenirs. Because on you. After Job avec Francky l'après-midi. Et puis ça vient de tomber là sur la ville de Fleury-les-Aubrais. Un mouvement de grève générale est annoncé pour le jeudi 17 septembre 2020. Pour ces raisons, l'ensemble des services municipaux risquent d'être perturbés. Restaurants scolaires et accueil préscolaire. Voilà donc renseignements sur la ville de Fleury-les-Aubrais. Du son qui arrive avec Caméléon. Allez, du son Latina. After Job avec Francky l'après-midi. Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Se não tem onde eu encontrar, e o que eu faço eu, se não tem onde eu encontrar, e o que eu faço eu, se não tem onde eu encontrar. quando tu dizias que eu tenho um novo amor, baby. Era só janjão, quando tu dizias que querias ser da minha, baby. Era só janjão, tu dizias que me amores, eu me adoro, baby. Era só janjão, quando tu dizias que eu tiro a tua mão. E o que faço eu, se não tenho o teu carinho? E o que faço eu, se não tenho o teu carinho? E o que faço eu, se não tenho o teu carinho? Avec Francky, le mardi, de 17h à 19h, sur Arc-en-Ciel, 96.2 FM. Tu m'aimes encore, caresser à nouveau ton corps le soir quand tu dors.

everything I do. I only think of you. A universal language that's understood. Please let me know exactly what you want. So baby, if you feel it, speak it to me, speak it to me. Encore quelques minutes et je suis chez moi sur la route de Loury aussi, Gaël qui est parti là, ça y est. Et avec ma belle Andalouse. Bah ouais, forcément, vous allez passer des bonnes soirées avec nous. Bah, c'est Kenji Girac et ma belle Andalouse qui est sur la route de Loury en ce moment. Bah ouais, c'est comme ça. On est avec vous, c'est Francky dans la radio jusqu'à 19h. Je suis belle que jalouse quand tu Lola, Rolé, 18h45. Un big up aussi à Florent Migo qui nous fait tous les montages, là, tous les podcasts que vous retrouvez sur ma page Francky Radio. N'hésitez pas à retrouver les interviews en direct. Merci mon petit Florent, t'es plein plein de gros bisous. Et puis pour le meilleur des souvenirs, les années 2000, on adorait. Ça c'était au début des 2000. Pas beaucoup vont se souvenir de ce titre, mais il a cartonné. Voici Loïs Andrea. Et là, ça me rappelle des bons moments. In sur Radar en Ciel. Isabelle sur Facebook, il me dit ouais, je m'en souviens bien, j'allais au Boombox à l'époque, ouais c'est ça la chapelle. Doudou d'Edouard aussi de Saint-Privé, ouais gros tube ça à l'époque, bah ouais mon poteau, attends, on a fait la teuf là-dessus hein. Andrea, Loïs, In, et puis ça vous allez vous en souvenir, eh ouais, c'était le meilleur des souvenirs. Bye. On ira un bon film de Louis de Funès. Los Lobos, vous avez vu le film, hein? À la fin il meurt. Ah bah tant pis, la bamba. Allez, du son qui arrive tout en douceur pour terminer cette belle émission avec vous. Rendez-vous lundi, mardi prochain, avec des beaux invités. Hein. Thomas Renaud sera dans les studios de la radio, ex-gradien de but de l'USO. Maintenant, il est élu à la mairie, il sera là. Et puis le lendemain, on aura Sabine Guillien, qui est la présidente des Panthères, les handballeuses de Fleury-les-Aubrais, sera notre invitée. Voilà, deux encore de beaux invités. Toujours et encore, Love Me Like You Do. Forcément, ça va vous rappeler de bons souvenirs, ça. Ah, ouais. Ellie Goulding. Bientôt 19h, je vous retrouve lundi prochain, mardi prochain. Mais ratez pas ce beau rendez-vous avec plein, plein d'invités. Et je vous emmène vers le Portugal. Il fait beau, il fait chaud en ce moment. Direction RDP International. Rendez-vous lundi 16h30, 18h30, mardi 17h, 19h. Salut les zinzins, salut la famille. RDP International avec plus de 40 degrés. Ça fait du bien. Au Portugal! Ana Cristina Borges do blog Viajar, porque sim. Ana, com que atitude é que viajas? Eu sou um bocadinho eclética nas minhas viagens. Gosto de tudo um pouco. Gosto de cidade, gosto de natureza, gosto de praia. Gosto sobretudo de ser surpreendida. Procuro aqueles lugares que às vezes turisticamente não estão assim tão divulgados, pelo menos entre nós, portugueses. E por outro lado, como sou uma pessoa normal, ou seja, por normal quero dizer que tenho um emprego fixo, tenho um horário de trabalho, tenho um número de férias normais e também tenho um orçamento limitado para as minhas viagens, eu depois procuro com a escrita também transmitir que as pessoas normais, não é, entre aspas, podem também fazer viagens diferentes e cumprir alguns dos seus sonhos. Vamos seguir viagem com que música, para terminar e nos despedirmos, Ana? Vamos seguir com o Good Life, do One Republic, que eu acho que é uma música muito animada e